All right, hey, merci beaucoup. Vous avez tous pas le fun. Passez une belle soirée. Je donne-tu le micro à quelqu'un ou je chill ici? Alex Bill, okay, bien, monsieur. Tu veux participer à l'évolution de Production Podcast? Deviens partenaire et contacte les Productions Podcast en visitant la page Facebook Productions avec un S, Podcast, P-O-D-C-A-S-S-E, ou écris-nous à podcast@commercialicloud.com. Fais partie de l'aventure Productions Podcast. Pour plus de détails, visite podcast.com.